Ok. Ok. Scam Music. Scam. Qui est ton phénomène? Ok. On sent le mal, au quartier pour dire bonjour on parle mal. Ça rappe normal, ramène un petit bolide que ça le manne. Y'a les petits qui commencent à prendre des caches, à péter des némanes. Y'a plus rien de choquant les manes, y'a un bruit ouais on est hal. D'autres y'en a pas marre, y'a toujours des boulettes dans tes sables. Ça part de tête à tête, après ça vient, ça rapplique avec des sables. Si pendant longtemps c'est calme, faut se préparer à la descente. Sac en but, en vie pressante, de janvier à décembre. J'préfère rester avec de vrais, avec une vingtaine de salopes. Ça fait les grains, après ça dit je suis petit quand ça se prend des calottes. Faut pas le fou hein. On sait que t'as craché l'escalope. Que quand ça se fight, tu galopes. Quand t'ol, c'est pas la vie d'alop. Faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Yeah, hein. La prod est lourde. Ok, je t'envoie un putain de couplet. T'as des plaquettes, fais pas le grossiste, poteau, découplé. Juge pas les rappeurs à leur nom, d'abord écoute-les. J'ai sorti la caisse à outils pour prendre le beat à coup de clé. À coup de clé à molette, je rappe sur la caisse claire. Donc caisse claire, les civils sont cramés même dans une caisse claire. Ici c'est grosse baffe, grosse même maçon comme guerre. Gros calibre Kalachnikov et armes lourdes en cas de guerre. On tire après on discute, on dit ce qu'on pense, on se dispute. Ça sous des billes, elles donnent leur cumel, veulent pas qu'on leur dispute. Rien à la Fartem, je vends mes disques à la sauvette. Ça fume le King Band à Hassan, ça laboure la terre sans chauvette. En fait c'est chaud, un verre de jet et t'es chaud. Tu vois pas ce qui se passe devant toi, en vendu comme si tu veux pécho. T'es quelque chose choqué à vie, les chics ont cassé cramé. On a tellement fait de monnaie qu'on charbonne même quand c'est cramé. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Prends pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Prends pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Moi ma vie c'est un rallye, sur ce son je vais pas râler. J'ai pas le bras long, envoie le ballon, je mets une praline. Je m'en bats aller. Oui, ma vie elle est pas top, ok pas grave, je l'adopte. Faut que l'état dans le chica, oui ça pique grave de la drogue. Là où je vis, je vive sans pitié, faut l'être. Oui, t'es gentil, ethnique, méchant, faut l'être. Oui, on le sait, on est bon, y'a la dalle. Combien font du rap, mais dans le vécu, y'a la dalle. Dans le rap, les gars, c'est le ghetto et kamikaze. C'est pas le gun qui fait le gars que des ennemis. Les amis se cachent, moi ça me fâche que j'ai déçu. Ils viennent tous cas, je suis un petit BDH, de voile de Dieu derrière, ils te clashent. C'est moi pour ma part. J'travaille pas car je peux me battre, puis avec l'état c'est la bagarre. J'aimerais me tailler vivre au Qatar. Mais seulement y'en a pas d'argent qui a des problèmes, un truc de barge. Au quand t'as rien tout le monde se lâche, sauf quand t'en as ça te l'air ça. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole. Viens faire un tour dans nos zones, poteau, tu t'envoles. Parle pas de femmes, nous c'est de l'argent qu'on raffole.